بالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلا زال الكلام أيها الإخوة في الله متواصلا مع عبد الله بن مسعود ومع مواعظي ودروس عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فرأينا مناقبه رضي الله عنه وموقفه من المبتدعة ومن البدع، ونحن مع مواضعه مع مواعظه ودروسه، ووقفنا عند تحذيره من الدنيا ومن الانشغال بها عن الآخرة. Nous continuons, frère, on Allah Azza wa Jal et sœur, on Allah Azza wa Jal, avec notre cours, avec, c'est notre troisième cours avec Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Nous avons vu les vertus d'Abdullah ibn Mas'ud et ses qualités, ses positions face à l'innovation et aux innovateurs. Et nous avons vu certaines parties, certaines leçons qu'il a données à la communauté. Et nous sommes arrivés au fait qu'il a averti contre ce bas monde et contre le fait que ce bas monde ne prend pas le dessus sur le delà. Abdullah ibn Mas'ud ayyuha al-ikhwatu fillah min al-mu'minin alladhina sadaqu Allah ma'adu alayh fa huwa min as-sahbi al-kiram وهم من حبهم دين وإيمان وإحسان، وممن بغضهم كفر وطغيان ونفاق، فهم صحب رسول الله من سلك طريقهم سعد في الدنيا والآخرة، ومن تنكب عن طريقهم وأبغضهم وسلك سبيلا غير سبيلهم شقي في الدنيا والآخرة. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu fait partie de ces croyants, de ces nobles croyants et de ces nobles compagnons du prophète alayhi salatu wasalam qui ont fait le pacte à Allah azza wa jal et qui n'ont pas changé, qui n'ont rien changé, hein, et qui sont restés sur le pacte qu'ils ont fait avec Allah azza wa jal, hein, qu'ils ont honoré leur pacte comme il se doit. Et les compagnons du prophète alayhi salatu wasalam, ce sont des hommes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour accompagner son messager alayhi salatu wasalam et pour faire triompher sa religion. Le fait de les aimer fait partie de la religion et fait partie de la foi et c'est fait partie de la bienfaisance. Le fait de les insulter, de les détester fait partie de la mécréance et de l'hypocrisie et du fait de dépasser ses limites. Les compagnons du prophète alayhi salatu wasalam, celui qui les aime et qui prend leur chemin aura le bonheur dans ce bas monde et dans le delà. Il sera réjoui. Il sera dans une bonne, dans une quiétude dans ce bas monde. Et dans le delà, il sera comblé des bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Et celui qui les déteste, qui prend un autre chemin que leur chemin, il sera attristé dans ce bas monde et dans le delà. Fa, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, fima taqaddam haddarana wa haddar al-muslimin an al-iftitani bid-dunya. لأن الانشغال بالدنيا وجمعها أضر بالأمة كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. عبد الله بن مسعود comme nous l'avons vu a averti toute la communauté de l'islam contre le fait de se faire perturber par ce bas monde et que le bas monde prenne le dessus sur le delà. Car ce bas monde a envoyé maintenant les gens de la communauté de l'islam, il aura fait très mal. Comme nous l'a annoncé le prophète alayhi salatu wasalam dans le hadith qui est passé avec nous tout à l'heure, qui est dans la chaîne des authentiques. Wa yaqulu alayhi salatu wasalam ويقول رضي الله عنه وأرضاه في دعائه: اللهم وسع علي في الدنيا وزهدني فيها، ولا تزوها عني فترغبني فيها. وكما قال القائل: الدنيا كالدابة، إذا ركبتها حملتك، وإذا ركبتك أهلكتك. عبد الله بن مسعود de nous dire, radiyallahu ta'ala anhu, de nous montrer comment il faisait son dua. Il disait ce dua, radiyallahu ta'ala anhu, dans ce qui est rapporté dans l'Aqd Farid. Il dit: oh Allah, fais que ce dunya, que j'ai une largesse dans ce bas monde, et fais en sorte qu'il ne me préoccupe pas, que je ne lui donne pas l'importance. Il n'éloigne pas ce bas monde de moi pour ne pas en avoir envie. Demande à Allah Azza wa Jalla la largesse dans ce bas monde, que Allah subhanahu wa ta'ala le préserve contre le fait qu'il se fasse avoir par ce bas monde, et que ce bas monde l'envahisse, et que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne zeu dans ce bas monde. C'est-à-dire, il suffit de peu des choses de ce bas monde. Il dit: il n'éloigne pas ce bas monde de moi, peut-être que j'allais en avoir envie. Et quand on a envie de ce bas monde, qu'est-ce qui arrive? Regardez autour de nous. On court derrière. Et on oublie les obligations d'Allah Azza wa Jalla. Regardez ce noble dua que faisait Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. Et comme cette noble parole qu'avait dite quelqu'un, il a dit: ce bas monde est comme une monture. Si tu la montes, bah tu es dans le bien. Tu y montes dessus, il va te transporter quelque part. Mais si la monture te monte, il va te faire périr. Regarde. On va encore plus l'imager plus et le ramener. Tu montes sur un chameau, tu vas traverser le désert. Le chameau sur toi, tu vas te faire écraser. C'est ce que ça veut dire, cette parole. C'est-à-dire, si tu as le dessus, tu maîtrises ce bas monde, et c'est toi qui l'oriente, tu le gères comme le veut Allah, Azza wa Jal, tu vas en profiter, tu vas être dans le bien. Mais si ce bas monde et les choses de ce bas monde, c'est eux qui te dirigent, tu vas périr. Parce que ça va t'amener vers le châtiment d'Allah Azza wa Jal. Ça va te faire sortir de la voie droite. Ça va te faire dépasser tes limites. Ça va te faire en sorte que tu vas être imbu de toi, et du bien que tu as, et de la fortune que tu as. Le fait de vrai, comme il se doit, et dans le licite, pour s'acquérir les choses de sa bon monde, il est demandé, et d'utiliser les moyens licite, et les bois qui sont autorisés, il est demandé. Mais il ne faut pas que ça prenne le dessus sur les obligations d'Allah Azza wa Jalla. Il ne faut pas que ce soit notre but, que notre but, même avec ce bas monde, on utilise ce bas monde pour le delà, pour obtenir l'agrément d'Allah Azza wa Jalla. Si on est complet avec les bienfaits d'Allah Azza wa Jalla, on les utilise pour avoir l'agrément d'Allah Azza wa Jalla. فمواعيد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ودروسه والعبر التي تؤخذ منها مأخوذة من كتاب الله ومن صحيح سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. Les leçons d'Ibn Mas'ud et les points à retenir de ces leçons et à prendre en considération, Abdullah ibn Mas'ud les a extraits de la parole d'Allah et de l'authentique de la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل في كتابه يحذرنا من الافتتان بالدنيا. قال تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق، أي الموت والبعث والقيامة والحساب والجزاء، كل هذا حق. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، أي لا يصدنكم الشيطان عن أوامر الله وعن نواهي الله عز وجل. Regardez maintenant comment les paroles d'Abdullah ibn Mas'ud vont de pair avec la parole d'Allah عز وجل. Prenez ce verset dans Surat Fatir, il porte le numéro 5. Le verset nous dit ceci: ô gens, la promesse d'Allah Azza wa Jalla est véridique, c'est-à-dire la mort va arriver, la résurrection va arriver, le jour de la résurrection sera là, et le jugement, il y aura jugement, il y aura châtiment, il y aura récompense. Tout est véridique. Ne vous faites pas avoir par ce bas monde. Et que Shaitan ne vous détourne pas des offres d'Allah, qu'il ne vous jette pas dans les interdits d'Allah Azza wa Jal. Vous voyez, la parole de Bnou Saoud, toutes les paroles pour nous avertir contre le fait de se faire avoir par ce bas monde, d'où ils viennent, c'est une compréhension saine avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a comblé les compagnons du prophète alayhi salatu wasalam. C'est pour ça que la compréhension c'est la leur, les croyances ce sont les leurs, et que leur parole ça t'aide à mieux, à être mieux avec la parole d'Allah Azza wa Jal, et à la comprendre mieux, et à la mieux digérer, et à la mieux mettre en application. Pourquoi? Parce qu'ils ont vécu avec celui qui a reçu la révélation. Et la langue avec laquelle est descendue cette révélation, c'est la leur. Ils n'avaient besoin de rien. L'arabe était leur, était inné en eux. Ils étaient excellents dans la langue arabe. Et s'ils avaient un problème, le messager d'Allah, Azzawajal, était là pour les sortir de ce problème. Alors que moi et toi, combien nous avons? Nous avons à apprendre le biaba de cette langue, la grammaire de cette langue, l'éloquence de cette langue, la conjugaison de cette langue. Et j'en passe. Combien de temps, combien d'énergie ça te prend? Had, les fondements, les sciences du hadith. Had, les sciences de la jurisprudence et les fondements de la jurisprudence. Combien de temps ça te prend? Combien d'énergie? Pour arriver au but. Le but c'est quoi? Tous ces outils que tu apprends. Pourquoi? Pour comprendre la parole d'Allah et l'authentique de la sunna du prophète alayhi salatu wasalam. Huma, c'est du direct. C'est du direct. Hein? Ils ont l'authentificateur par excellence qui est Mohammed alayhi salatu wasalam, qui leur authentifie la voix et la compréhension. Alors que nous, tu crois, des fois tu te suffis de toi-même et tu prends un livre toi-même et tu le prends. Et tu tombes sur ta tête. Tu tombes dans des catastrophes. Parce que il faut aussi quand tu prennes ce livre que tu demandes à ceux qui sont dignes parmi les hommes de science, est-ce que ce livre, il te convient ou il ne te convient pas? Est-ce qu'il est sur la bonne voie ou pas? Est-ce qu'il est de ton niveau ou il ne l'est pas? Regardez la différence qu'il y a. C'est énorme. Hein? C'est pour ça que la compréhension, les croyances, le comportement, c'est le leur. La mise en pratique de cette religion, c'est la leur. ويقول عز وجل فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. فأما من طغى تعدى الحدود. طغى الماء في الكاس فاض منه تعدى حد. وآثر الحياة الدنيا قدم الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. أي أن الدنيا طغت على حياته وأنسته فرائض الله وأنسته الواجبات وأنسته دين الله، فماذا يكون المآل؟ الجحيم هي المأوى. Et donc regardez aussi ce verset duquel a extrait Abdullah ibn Mas'ud les leçons qu'il nous a données contre ce bas monde. Et celui qui dépasse ses limites et qui met en avant ce bas monde et les choses de ce bas monde, le-delà sera sa demeure. Le-delà sera sa demeure. C'est-à-dire que ce bas-monde, pour lui, c'est ce qu'il y a de plus cher. C'est ce qui compte le plus. À tel point que ce bas-monde lui a fait oublier les obligations d'Allah Azza wa Jal. Il l'a éloigné du chemin qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Où est-ce qu'il arrive à la fin? Sa demeure. Donc vous voyez que la parole d'Abdullah ibn Mas'ud, ce n'est qu'une interprétation saine et une explication simple et saine de la parole d'Allah Azza wa Jal. Wa yaqulu Azza wa Jal innal ladhina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati ad-dunya wa tma'annu biha wal ladhina hum 'an ayatina ghafilun ulaika ma'wahum an-nar bima kanu yaksibun. إن الذين لا يرجون لقاءنا لا يرجون لقاء الله ورضوا بهذه الحياة الدنيا واطمأنوا إليها وبما فيها وأعرضوا عن آيات الله الكونية والآيات المتلوة غفلوا عنها أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. dans ce verset aussi dans Surat Yunus. Ceux qui n'espèrent pas la rencontre d'Allah Azza wa Jal et qui ont agréé ce bas monde, ils sont qui est dans ce bas monde, ils sont contents dans ce bas monde, ils agréent ce bas monde. Et ceux qui sont insouciants et qui ne donnent pas d'importance aux signes d'Allah Azza wa Jal, que ce soit les versets d'Allah Azza wa Jal ou que ce soit les signes universels que Allah subhanahu wa ta'ala a créés dans les cieux et dans la terre, ils sont insouciants de tout ça, ils se détournent de tout ça, ils ne lui donnent pas d'importance, ils ne le prennent pas en considération, ils ne prennent pas la leçon, cela leur demeure sera l'enfer parce qu'ils ont gagné. D'où ça leur est venu? Le fait d'agréer ce bas monde et d'être qui est dans ce bas monde et d'être content de ce bas monde et de se détourner des ordres d'Allah Azza wa Jal. La demeure c'est quoi? Encore une fois, troisième verset avec lequel tu as son explication directement dans les paroles qui sont passées de Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ce qui fait que la parole de nos puissants d'Allah alayhi, ça nous donne l'aisance et la facilité avec la parole d'Allah Azza wa Jal. Il y a mieux être, il y a bien comprendre la parole d'Allah Azza wa Jal et l'authentique de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne peut pas faire autrement. وقال تعالى اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الاخره عذاب شديد ومغفره من الله ورضوان وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينة زينة في اللباس زينة في المطعم زينة في الملبس زينة في السكن زينة في المركب وتفاخر يتفاخر الناس بها بعضهم على بعض وتكاثر كل واحد يريد أن يكون ولده أكثر من الآخر وماله أكثر من الآخر كمثل مطر أعجب الزراع وأتى بالنبات فأيبسه الله سبحانه وتعالى وذهب كأن لم يكن حطاما وفي الآخرة عذاب شديد عذاب شديد لمن؟ لمن لم يمتثل أوامر الله لمن لم يمتثل أوامر الله ومغفرة من الذنوب ورضوان لمن أطاع الله سبحانه وتعالى وامتثل أمره واتبع السبيل الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، أي متاع الحياة الدنيا قليل، متاع تنتفع فيه في مدة قليلة، ولا يجب أن تغتر بهذه المنافع القليلة إنها فانية مهما طالت، غدا ستدخل القبر وحدك ولا يكون معك إلا عملك الصالح واتباعك للمصطفى عليه الصلاة والسلام لن يكون معك شيء آخر. Donc dans notre verset dans sourate al-Hadid, il dit et sachez que ce bas monde c'est un jeu, est un embellissement. C'est-à-dire l'embellissement dans quoi? Avoir un beau vêtement, avoir une belle maison, avoir une belle voiture, une belle monture et autres, aller dans les bons restaurants, bien manger, tout ça, ça c'est les embellissements de ce bas monde. Et ce bas monde, regarde-le devant toi. Hein? Comment les gens y parlent? T'as pas vu la soirée où j'étais hier? T'as pas vu le design de restaurant où j'étais hier? Et t'as pas vu la voiture qui... tout ça. Adizi ne te dunya. Et c'est un jeu. Comme il a dit Allah, c'est un dunya. Un jeu. Et aussi, fait deux, de s'enorgueillir les uns face aux autres. Sous concurrence pour ce bas monde. Et on s'enorgueille. Avec quoi? Et on augmente ses enfants. Chacun dit, moi j'ai plus d'enfants que toi. J'ai plus de fortune que toi. J'ai plus de femmes que toi. J'ai plus d'argent que toi. Hein? J'ai plus de maisons que toi. Regarde. Comment la génération de nos darons, comment ils sont? C'est quoi leur repère? Je suis au troisième étage. Je suis à la deuxième maison, au deuxième étage. À la troisième ou quatrième étage, et ainsi de suite. Hein? Maintenant, cette maladie a atteint les jeunes aussi. concurrents sur ce bas monde. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous donne un exemple, il a dit ceci, ce bas monde, il se comme une pluie qui tombe sur une terre, et cette terre fait pousser, et tout d'un coup les cultivateurs, ou si tu veux aussi les mécréants, sont contents de ce qu'ils voient de cette terre, et tout d'un coup Allah subhanahu wa ta'ala, arrive et fait tout sécher, plus rien, comme si de rien n'était. Ainsi l'exemple de ce bas monde. L'embellissement, etc. Et après, hotam. Et dans le delà, un énorme châtiment. Attends ceux qui se sont détournés des ordres d'Allah, Zawajal. Ils ont été en divergence avec Mohammed Ali, Sallam, etc. Et une grande clémence, et un grand pardon, et l'agrément d'Allah, Zawajal, à ceux qui se sont repentis. Alhamdoulilah. Ceux qui se sont replantés et qui ont pris le bon chemin, etc. Allah subhanahu wa ta'ala les comble de ses bienfaits et accepte leur repentir. Et ce bas monde, ce n'est que des choses utiles à l'être humain, auxquelles il va prendre des bénéfices. Mais ce sont des bénéfices qui sont limités dans le temps. Et on ne doit pas être imbu de ce bas monde, de se faire avoir par ce bas monde. Il faut penser à l'au-delà qui est l'éternité. Tu vois, ces quatre versets qui sont en face de nous, un dans Surat Fatir, un dans Nazi'at, un dans Younes, et le dernier dans Surat Al-Hadid, les paroles qui sont passées, d'Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala, dans l'avertissement contre ce bas monde, sont l'explication de ces paroles d'Allah, Azza wa Jal, de ces versets. Il a noble explication de ces versets. Il a plus authentique des explications de ces versets. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حذر أمته من الافتتان بالدنيا. Le prophète عليه الصلاة والسلام, Abdullah ibn Mas'ud, s'il nous a donné ces leçons pour ne pas se faire avoir par ce bas monde, c'est parce que le prophète عليه الصلاة والسلام a averti aussi sa communauté contre le fait de se faire avoir par ce bas monde et de se faire perturber par le bas monde. يقول صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله تعالى مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء رواه مسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم ينذر. C'est pour te montrer que les paroles d'Abdullah ibn Mas'ud ne sortent pas de la parole d'Allah et de l'authentique de la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام. Dans ce qui est rapporté par l'imam Muslim rahmatullah alayh, il a dit cette dunya c'est quelque chose de vert, c'est quelque chose de bon goût, de sucré et de vert. Donc le vert, c'est bien. C'est une couleur éclatante. C'est quelque chose qui te ramène la joie quand tu la vois. Et ce qui est sucré, c'est bon. Rasoul Salah Azim te fait cet exemple. Ce bas monde, il est mielleux. Il est vert. Il est beau à voir. Il a un bon goût. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, vous a donné ce dépôt. Il va voir ce que vous allez faire. Cet argent que tu as, cette fortune que tu as, c'est un dépôt que Allah subhanahu wa ta'ala a mis sur toi. La famille que tu as, c'est un dépôt qu'il t'a donné. Pour voir comment tu vas réagir, qu'est-ce que tu vas faire, est-ce que tu vas accomplir les droits d'Allah, Zawajal, ou là non. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, préservez ce bas monde. Faites, gérez ce bas monde avec obéissance à Allah, en mettant en application les ordres d'Allah, Zawajal, et en s'abstenant de ses interdits. Et préservez le droit d'Allah, Azzawajal, en ce qui concerne les femmes. Soyez dignes des orientations et des ordres que vous donne Allah, Azzawajal, et des ordres que vous a donné le prophète, alayhi sallam, dans votre comportement avec les femmes. Encore ce hadith, il va de pair avec les conseils de Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala. Radiyallahu an ibn Ummi Abd. ويقول صلى الله عليه وسلم إن مما أخاف عليكم من بعد ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها رواه البخاري ومسلم. Il dit عليه الصلاة والسلام, regarde encore cette noble compréhension avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala il a comblé ses compagnons. Regarde cette parole qui va de pair, cette parole du prophète عليه الصلاة والسلام qui va de pair avec les conseils que nous a donné Abdullah ibn Mas'ud رضي الله تعالى عنه. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit la chose que je crains le plus pour vous après moi, c'est que ce bas monde va s'ouvrir pour vous. La fleur de ce bas monde va se présenter à vous. L'embellissement de ce bas monde va se présenter à vous. Et ceci est arrivé. avec les conquêtes, qu'est-ce qu'il y a eu? Le monde, les fortunes sont arrivées à la capitale musulmane. Ce bas monde s'est ouvert. La porte et les fleurs de ce bas monde se sont ouvertes pour la communauté. Et Rasulullah s'est dit, la chose que je crains pour vous, c'est ça. Rasulullah ne parle pas de ses propres passions. Il sait, min Allah Azza wa Jal, ce qui fera le bien de cette communauté et ce qu'il va pas le faire. Laisse-le jusqu'à la fin, gars. Laisse-le jusqu'à la fin. فوالله ما تركت الصلاة إلا بسبب افتتان الناس بالدنيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة لما يا ربنا واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا ما تركت الصلاة إلا بفتنة الدنيا وفتن الدنيا والتكالب على الدنيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة بما واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Donc, par Allah, que la prière n'a pas été délaissée par une grande majorité que parce qu'ils se sont fait avoir par ce bas monde. Ils accourent plus que le normal derrière ce bas monde. Et ce bas monde leur a fait oublier les obligations d'Allah. Azzawajal, parmi les obligations, la prière. Et dans ce verset, il est dit, leur ont succédé une génération qui a négligé la prière. Pourquoi? Allah, il nous dit pourquoi. Ils ont suivi leur désir, leur plaisir. Pourquoi? Et la fin est douloureuse dans le verset. Ce qui les attend, c'est énorme. Pourquoi ils ont délaissé la prière? Pourquoi ils ont négligé la prière? Ils ont suivi les plaisirs de ce bas monde, leurs envies, leurs passions, etc. Et ce qui les attend là-bas, s'ils ne reviennent pas vers Allah, Azzawajal, est énorme. من مواعظه كذلك يحث ابن مسعود رضي الله تعالى المسلمين على طلب العلم الشرعي والعمل به. كذلك رضي الله عنه وارضاه il incite les musulmans à demander la science bénéfique, la science de la législation et de la mettre en application. La science du livre d'Allah et de l'authentique de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de la mettre en application. Pourquoi la mettre en application? Parce que la science n'est pas voulue pour elle-même. La science est un moyen pour arriver à l'agrément d'Allah. Ce qui est voulu, c'est les actes. Et si quelqu'un apprend la science et ne la met pas en application, il a la caractéristique de ceux qui ont accouru la malédiction d'Allah. Acquérir la science, ne pas la mettre en application, on est dans une situation dangereuse. On est en train d'appeler la colère d'Allah, Azzawajal, sur nous. C'est pour ça qu'Abdullah ibn Mas'ud incitait les gens à apprendre la science et à la mettre en application. C'est pour ça que Sahaba radhiyallahu alayhim, il ne dépassait pas 10 versets. Il les digérait, il les comprenait, il les mémorisait et il les mettait en application. Ils apprenaient ainsi à la fois la foi, la science et la mise en application. Ils réunissaient tout à la fois. C'est pour ça que, comme il a dit Ibn Mas'ud tout à l'heure, en parlant aux successeurs du compagnon, pourquoi vous priez beaucoup, vous jeûnez beaucoup et les compagnons sont mieux que vous? Pour ça, l'islam. Parce que le bas monde l'emportait sur tout. Et parce que la science qu'ils apprenaient, ils la mettaient en application directement. Ils l'apprenaient pour la mettre en application. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه اغد عالما او متعلما ولا تغد فيما بين ذلك فانما بين ذلك جاهل وان الملائكه تبسط اجنحتها لرجل غدا يطلب العلم من الرضا لما يصنع. جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر رحمه الله عليه. ابن مسعود de nous dire, sors le matin en tant que savant pour enseigner ou là pour apprendre. va le matin au rdo à enseigner ou là à apprendre. Il ne soit pas entre les deux, car entre les deux, il y a l'ignorant. Entre les deux, c'est le chemin de l'ignorant. Car les anges étalent leurs ailes aux demandeurs de science. Ils le font pourquoi? Parce qu'ils agréent ce qu'il est en train de faire. Les anges sont contents, sont réjouis de ce que fait le demandeur des sciences, donc ils lui étalent ses ailes pour marcher dessus. Hein? Ces nobles créatures qui ne désobéissent pas à Allah, Azzawajal, sont contents et agréent le demandeur de sciences. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous soyons parmi ceux-là, parmi ceux qui demandent la science pour Allah et selon la sunna du prophète alayhi wa sallam et pour la mettre en application. Wa yaqul ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, alaykum bil 'ilmi qabla an yurfa' wa raf'uhu mawt ruwatih, fa walladhi nafsi bi yadihi layawaddanna rijalun qutilu fi sabilillah shuhada an yab'athahum Allah 'ulama لما يرون من كرامتهم فإن أحدا لم يولد عالما وإنما العلم بالتعلم. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه attire notre attention sur quelque chose de très important, sur l'importance de la science. Il dit, cherchez la science avant qu'il ne disparaisse, avant que ne meurent ceux qui la transmettent. Il en est de même, il va de pair. Un des conseils de Cheikh Salah al-Sheikh, quand il a conseillé les jeunes, leur a dit, demandez la science avant que les grands savants ne meurent de cette communauté. Et regardez les uns après les autres. Cheikh Al-Utaymin est parti. Il est mort. Cheikh Al-Albani est parti. Cheikh Mokbil est parti. Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Bassam, Rahimahullah, est parti. Qui était un des camarades d'études à Cheikh Al-Utaymin chez Cheikh Saadi, Rahmatullah alayh. Je fais cette précision pour que l'on ne confonde pas avec votre psaume qui est là, la tête des Tkfirines ici. Il dit, il faut prendre la science avant qu'il ne soit enlevé. Le fait d'être enlevé, la science, comment il va être enlevé? C'est que savant après savant, Allah subhanahu wa ta'ala prend leur âme. C'est ce qu'il ne reste que les ignorants. Demandez la science avant que ceux qui la transmettent ne soient morts. Il dit par Allah, certains hommes qui sont morts en martyrs sur le sentier d'Allah, Azzawajal, préfèrent être ressuscités le jour de la résurrection en tant que savants. Le martyr, il a une grande place dans l'islam. Mais ce martyr qui est mort en martyr préférera être ressuscité en tant que savant. Pourquoi? Parce qu'il voit l'honneur avec laquelle sont comblés les hommes de science. Et personne n'est ni savant. Et la science s'obtient avec l'apprentissage. Hada, c'est le conseil de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Retrousser nos manches et demander sur cette science comme il se doit. Et commencer par le biaba. Et qu'on arrête de vouloir atteindre le sommet alors qu'on n'a pas construit les fondements. Parce qu'on n'a pas de fondement, on essaie de monter là-haut, et tout d'un coup on tombe sur notre tête, on se brise complètement. On ne peut pas dépasser les limites. On ne peut pas dépasser les étapes. Allah subhanahu wa ta'ala est capable de créer les cieux et la terre avec soit ils sont. Et pour donner la leçon, il les a, comme disent les hommes de science, il les a créés en six jours. Toi aussi, dans ton apprentissage, dans tout ce que tu fais, tu dois aller étape après étape. Et commencer par la base. Jamais une construction ne tiendra debout s'il est commencé par le septième étage. Avant d'arriver au septième étage, il faut creuser la fondation. Et pourquoi le jeune patauge? Pourquoi il patauge? Pourquoi ils se font avoir partout? Pourquoi ils tombent sur leur tête à chaque fois? Parce que les fondements, ils ne les maîtrisent pas. Parce que il est dur de maîtriser le fondement. Ils n'arrivent pas à patienter. Ils ne s'imposent pas la patience. Ils ont l'endurance à maîtriser les fondements. Et qu'est-ce qui arrive? Des dégâts. Tu entends? Tu imagines un jeune marié. Sa femme est enceinte. Il a un désaccord avec sa femme. Sa femme allait. Il la ferme 5 jours à la maison. Pourquoi? Il dit dans le Coran, Fahjuruhunna, et délaissez-les. Ya, c'est pas comme ça. Subhanallah, où tu vas? Qui est l'imam? Chez qui t'as appris ça? Où tu l'as appris? Pourquoi? Parce qu'on a un but de soi. Parce qu'on a 2 lettres d'arabe et on se prend pour une taïmienne de son siècle. Ya akhal islam, soyons modestes, restons à notre place et faisons ce que nous pouvons faire et laissons les choses à ceux qui sont dignes de chez eux et remettons les choses à leur place et quand il y a une situation, on va chez qui de droit. Rappelle une fois, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait la fièvre rouge ou la, je ne sais pas quelle fièvre qui a atteint les moutons. Ils avaient la langue, je ne sais pas ce qu'ils avaient. Hein? Ah, mais comment ils s'appellent? L'afteuse. La fièvre afteuse. C'est son nom déjà. Et je me rappelle, j'appelle Cheikh Abdallah al-Bukhari pour avoir une sentence. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Il était pas loin de la tente de Cheikh Abdelmohsin al-Abbad. Il m'a dit, attends, rappelle dans peu de temps, je te passe Cheikh Abdelmohsin al-Abbad. C'est à lui qu'il faut demander. Il faut savoir rester à sa place. Et qui c'est Cheikh Abdallah al-Bukhari? Il pourrait faire la sentence, mais il ne la fait pas, parce qu'il y a qui est plus important, parce que c'est quelque chose qui concerne toute une communauté, et pour un acte important dans la communauté. La même chose, je me rappelle quand il y a eu la fitna, problème du hijab, je l'appelle, je dis à Cheikh, là ici les frères et les sœurs se demandent, se posent des questions, il a dit, demandez à quelqu'un d'autre que moi, demandez votre question, vous allez la poser, al-jnad da'ima, parce qu'il concerne toute une communauté. 10 millions de personnes sont concernées par cette sentence. Et pourtant, il fait partie des demandeurs de science que Cheikh Rabih met en avant, Cheikh Obaid al-Jabiri met en avant, Cheikh Najmi met en avant, tout le monde le met en avant. Les élèves, il a été élève de Cheikh Mohamed Aman, il a été élève de Cheikh Rabih, il a été élève de Cheikh Abdel Mohsin al-Abbad. Hein? Et pourtant, Hna dit que ah, mais c'est comme ça. Subhanallah. Et des fois, dans certains forums, tu vois des réponses à des fatwas, il y a des sujets. Il n'y a pas la référence de l'homme de science qui a répondu. D'où vous l'avez tenu? Il faut que vous nous donniez. Gars, si vous voulez faire ce bien à vos frères qui ne parlent pas arabe, etc., mais moins vous mettez la sentence et la question et la réponse d'Yel Cher et la date à laquelle il vous l'a donné Cher. Parce que des fois, tu te donnes... C'est énorme les questions et leurs réponses sont énormes. Il faut beaucoup de temps et beaucoup d'argent au niveau du téléphone. Alors je ne sais pas. C'est pas qu'on n'a pas confiance en nos frères, loin de là. Mais nous devons préserver Allah Azza wa Jal. Et quand on, hein, quand on met quelque chose sur un site, sur un forum, d'où qui on le tient? Il nous faut. Il faut que nous on demande aux gens, vous êtes nos frères salafis, donc tous ces forums-là, ce sont nos frères salafis, etc. Ils défendent la voie du plus élevé. Mais la voie du plus élevé, Allah, elle me dit que cette religion, hein, cette science est une religion. Regardez chez qui vous la prenez. Donc nous, les premiers, en tant que salafis, nous devons respecter cette parole d'Abdullah ibn Mubarak. Et d'Ibn Sirin, et d'Ibn Puzer d'Allah. Nous devons, oui, la question a été posée ainsi. Cheikh Obaid a dit ceci, Cheikh Obaid à telle date. Le Cheikh Al-Fawzan a dit ceci, a dit cela, à telle date. Allez, l'islam. C'est ce qui nous est demandé. Et de ne pas prendre le devant et faire des interprétations nous-mêmes. Parce que la personne qui t'a posé la question, il ne veut pas ta réponse à toi, ni à moi, ni à qui que ce soit. Il veut la réponse d'un homme de science. Il faut savoir où est-ce que On reste à notre place. On cède dans le bien. Et dans le fait de s'entraider pour le bien, il ne faut pas qu'on dépasse nos limites. Hein? Pour rester dans l'agrément d'Allah, Azza wa Jal. ويقول رضي الله تعالى عنه وارضاه تعلموا العلم فإذا علمتم فاعملوا وقال ويل لمن لا يعلم ولو شاء الله لعلمه وويل لمن يعلم ثم لا يعمل سبع مرات الله المستعان il dit رضي الله تعالى عنه وارضاه apprenez la science comme vous l'avez appris mettez-la en application il dit malheur à celui qui ne sait pas, et si Allah le voulait, il lui donnerait la science. Et il dit, malheur, cette fois, à celui qui sait, et qui ne met pas en application. Combien de choses nous savons et on ne met pas en application? Sur combien de choses on attire l'attention de nos frères et de nos sœurs et on ne les met pas les premiers en application? Hein? Combien? Faux. La science est demandée pour être mise en application. Le but, c'est mettre en application. Et pour sortir de la colère d'Allah Azza wa Jal, de ne pas être sur le chemin de ceux qui ont encouru la colère d'Allah Azza wa Jal, il faut mettre en application ce que nous connaissons et ce que nous avons appris. Wa qala ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, la yazalu an-nas bi khayrin ma ataahum al-'ilm min ashab rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. ومن أكابرهم فإذا جاء العلم من قبل أصاغرهم سنا وتسننا واقتداء فذلك حين هلكوا والصغار هم الجهلاء ويدخلوا فيهم كما قال بعض السلف المبتدعاء ابن مسعود رضي الله تعالى عنه de nous dire les gens resteront toujours dans le bien tant qu'ils apprennent la science des compagnons du prophète et de leurs grands. Quand la science leur vient de leurs petits au niveau, c'est-à-dire ceux qui ne suivent pas la sunna du prophète, petits dans l'âge, petits aussi hein, dans la mise en pratique de la sunna du prophète, petits au niveau de suivre, dans son suivi au prophète et à ses petits aïeuls, il a dit dans ces cas-là, ils vont périr. Il est petit ici, il considérera avec selon certaines interprétations de nos plus aïeuls, les ignorants et les innovateurs aussi. Wa qala alayhi radiyallahu ta'ala wa arda, innakum lan tazalu bi khairin ma dama al-'ilmu fi kibarikum, fa idha kana al-'ilmu fi sigharikum saffaha as-saghir al-kabir. Wa sadaqa wallah. Sadaqa Abdullah ibn Mas'ud, sadaqa ibn Ummi 'Abd fi hadhihi al-wasiya. Kayfa la yasduq? Wa wasayahu تخرج من كتاب ما هي إلا تفسير لكتاب الله ولسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. Et dans ce conseil là ici, il a dit vrai Abdullah ibn Mas'ud. Il a dit vrai ibn Ummi 'Abd رضي الله تعالى عنه وارضاه. Ça ne peut pas être autrement parce que ces paroles et ces conseils sont une interprétation de la parole d'Allah عز وجل et de l'authentique de la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام. Il a dit vous allez être dans le bien tant que votre science elle est dans les grands. Regardez le bien dans lequel on était les dernières années, avant que Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Utaymin, Cheikh Al-Albani soient morts. Regardez la porte d'El Fitna qui s'est ouverte. On ne dit pas qu'il n'y a pas de grands maintenant. Il y a encore des grands. Mais, regardez, avec la disparition de trois montagnes, regardez toutes les fitnas qui sont apparues, toutes les ambiguïtés qui se sont propagées au milieu des jeunes. Vous allez être dans le bien tant que la science vous vient des grands. Et quand la science va être dans vos petits, c'est-à-dire dans vos ignorants et vos innovateurs, dans ces cas-là, le petit va rendre insensé le grand. Et il a dit vrai, comme s'il vit avec nous. Que disent les ministres maintenant? L'arbani morge, l'anbani je ne prends pas de lui au niveau de l'aqida, l'albani ceci, Bnoubaz, c'est le savant du palais. Et vas-y, la liste n'en finit pas, dit dénigrement. Le Cheikh Rabert, Cheikh Najmi, ce sont des agents de la SAVAC, je ne sais plus quoi. Et ainsi de suite, ça n'arrête plus. Les ronds d'insensés, les petits ronds d'insensés, les grands. Subhanallah. Comme si Abdullah ibn Mas'ud, il vient avec nous. Et au milieu de nous. Regardez autour de vous. Qu'est-ce qu'ils disent ceux qui sont autour de nous? Pourquoi vous demandez aux hommes de science là-bas? On est là, nous. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous d'abord? Vous faites l'éloge à Hassan ibn Naya Sayyid Qutb. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous demande? Hein? Il a dit vrai, Allah. Regardez comment ces paroles, tu les calques sur notre société, sur les perturbations que nous vivons. Tu vois quoi? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Se cramponner à la parole d'Abdullah ibn Mas'ud, à la parole du Pizayel, à la parole de, des compagnons du prophète alayhi sallallahu alayhi sallam, et de ceux qui les suivent à la perfection. ويقول رضي الله عنه لو أن أهل العلم صانوا علمهم وبذلوه لأهله لسادوا به أهل زمانهم ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا من دنياهم فهانوا عليها فهانوا على أهلها. Il dit aussi, si les hommes de science, si les gens de science ont protégé leur savoir et leur science, ils l'ont donné pour ceux qui le méritent, ils vont être les maîtres de ce bas monde, les maîtres de leur époque. Mais comme ils l'ont donné pour les gens de ce bas monde, pour avoir des choses de ce bas monde, ben ils valent rien chez les gens. Regardez les savants qui suivent ce bas monde, et les du'ats qui suivent ce bas monde, hein, et qui font plaisir à la communauté, qui donnent toutes les autorisations à la communauté. Regarde comment ils sont avilés aux yeux de la communauté. Parce qu'ils donnent à la communauté les autorisations qu'ils veulent. Aucun respect. Mais rien que, même les innovateurs, ils entendent le mot Ibn Baz, le mot Albani, il reçoit un électron. Boum, hein. Il entend le nom d'un parmi les têtes de l'innovation et parmi ceux qui suivent la communauté qui lui donne toutes les autorisations possibles et imaginaires, il entend son nom. Ah, tenta. Hein. وأخذ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هذه المواعظ من كتاب الله وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذه سلسون. nous inciter à la science etc. Abdullah ibn Mas'ud les a pris directement du livre d'Allah et de l'authentique de la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه يحث على طلب العلم ويثني على العلماء قال عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. dans ce verset dans sourate Zumar. Regardez comment les paroles d'Abdullah ibn Mas'ud vont de pair avec les versets qui vont suivre. Il est dit dans ce verset, dans Sourat Zumar, verset 114, « Est-ce qu'ils sont égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas ?» Bien sûr, ils ne sont pas égaux. Ne se rappellent que ceux qui sont doués de raison, qui ont une raison saine. « فَرَبُّنَا لَمْ يُسَوِّي بَيْنَ الْعَالِمُ وَالْجَاهِلِ كَمَا لَمْ يُسَوِّي بَيْنَا لِلْجِنَّةِ وَالِنَّارِ كما لم يسوي بين الأعمى والبصير وكما لم يسوي بين الظلمات والنور وبين الظل والحرور. الله عز وجل n'a pas fait d'égalité entre l'homme de science et l'ignorant. Loin de là. Comme il n'a pas fait égal le paradis et l'enfer. Loin de là. Comme il n'a pas fait l'égalité entre l'aveugle et le voyant et le non-voyant. Il y a une grande différence. Il a, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fait, n'a pas mis à pied d'égalité les ténèbres et la lumière. Loin de là. Il y a une grande différence aussi, Allah subhanahu wa ta'ala fait la différence entre l'ombre et la chaleur. وقال عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى إنما يخشى الله من عبادي العلماء. وقال تعالى وقل رب زدني علما. Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate المجادلة. Ce verset nous dit ceci. Allah subhanahu wa ta'ala élève ceux qui ont cru. Ceux qui ont cru, ils sont élevés. Mais au-dessus d'eux, sont élevés à des degrés plus hauts que eux, les hommes de science. Alors que ce sont des croyants. Allah subhanahu wa ta'ala les a cités en général dans la communauté des croyants, mais il les a sortis de ce général, de la communauté des croyants, pour faire leur particularité, nous montrer leur honneur et leur place. Les croyants sont élevés. Mais ceux qui ont la science parmi ses croyants sont encore élevés plus haut. Et il est dit dans l'autre verset, dans Surat Fatir, verset 28, « Certes, ne craint Allah que ceux que les savants. Hein? » Et Allah, subhanahu wa ta'ala, pour nous montrer l'importance de la science, il a donné l'ordre à son messager, alayhi salam, il lui a dit, « dit, oh Allah, augmente-moi la science. Il lui a pas dit d'augmenter, hein, d'avoir le dernier regard et le lin, hein, ou là, la villa avec piscine et autres, hein. Juste la science. والرسول صلى الله عليه وسلم يحث أمته على طلب العلم الشرعي قال صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة كتاب والسنة العلم فهو يقضي به ويعلمها فهو يقضي بها ويعلمها وقال من يريد الله به خيرا يفقه في الدين وقال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وقال صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما وقال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يبتغي به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحد وافر دونك الرسول صلى الله عليه وسلم كم دون لبعض الله عز وجل nous incite à la demande de la science. À la demande de la science, de la législation. C'est elle qui a cet honneur. Les autres sciences sont demandées dans la communauté. Mais celles qui ont l'honneur et la suprématie, c'est la science du livre d'Allah Azza wa Jal et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. La communauté a besoin de médecins, a besoin, etc. Mais l'honneur et la suprématie pour ceux qui ont la science du livre d'Allah et de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et il a dit alayhi salatu wassalam, il n'y a pas de jalousie contre deux choses. On a le droit d'être jaloux que pour deux choses. Non, d'envier les autres que pour deux choses. Un homme à qui Allah subhanahu wa ta'ala il a donné une fortune, il la dépense sur le sentier de l'Azza wa Jalla. Il la dépense dans la vérité. Les orphelins, ceci, etc. pour anéantir le mal et pour faire apparaître le bien, pour propager la parole de l'Azza wa Jalla, hein, et faire apparaître la parole de l'Allah, l'authentique de la sunna du prophète alayhi salam, et ainsi de suite. Il y a un homme à qui Allah subhanahu wa ta'ala l'a comblé de la science, du livre, et de l'authentique de la sunna du prophète alayhi salam, et avec ça, il la met en application. Il juge avec, et il l'enseigne aux autres. Il la met en application, et il l'enseigne aux autres. C'est pour ça qu'on a ces deux choses-là, qu'on peut envier quelqu'un pour ces deux choses-là. Envier quelqu'un qui est dans l'une de ces choses-là. Et il a dit, celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien, il lui donne la compréhension de la religion, et la science de la religion. Prends-le dans le sens contraire et la situation va t'apparaître plus claire. Celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala ne veut le bien, ne veut pas le bien, ben il ne lui donne pas la science de la religion. Point final. Le bien, il est où? Dans la science de la religion. Et il dit, alayhi salatu wassalam aussi, celui qui prend un chemin pour la recherche de la science du livre et de la sunna, Allah subhanahu wa ta'ala lui ouvre un chemin vers le paradis. Et il dit, alayhi salatu wassalam, ce bas monde est maudit, et tout ce qu'il contient dans ce bas monde est maudit, sauf l'invocation d'Allah Azza wa Jal, et ce qui va avec la lecture du Coran, hein, glorification d'Allah Azza wa Jal, ordonner le bien, interdire le mal, etc. Et un savant est quelqu'un qui apprend si ce savant. Tout ce qu'il y a dans ce bas monde est maudit. Qu'est-ce qui sort de là? L'exception, elle est faite. Faites de lire le Coran, la lecture du Coran, glorifier Allah, ordonner le bien, blâmer le mal, etc. Et tout ce qui va de pair avec. Et ça sur c'est quoi? Le livre d'Allah et l'authentique de la sunna du prophète. Ça doit se faire selon les directives du livre d'Allah et de l'authentique de la sunna du prophète. Ou un savant ou quelqu'un qui apprend. C'est les savants. Il a dit, celui qui prend un chemin, par ce chemin, il veut la science du livre d'Allah, Zawajal et l'authentique de la Sunna, Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite un chemin vers le paradis. Et les anges étalent leurs ailes pour le demandeur de science en agréant ce qu'il fait par agrément à cette science qu'il demande. Et le savant, les poissons, ce qu'il y a, les créatures qu'il y a dans les cieux et qu'il y a sur terre et qu'il y a au fin fond de la terre, font des du'as pour le savant. Même les poissons au fin fond de l'eau, Il y a quelque chose sur laquelle attirent les hommes de science. Ils disent pourquoi les fourmis et les animaux font du'a pour l'homme de science. Parce qu'il apprend aux gens comment immoler la bête, comment être avec la bête, le comportement qu'il doit avoir le musulman avec les bêtes, etc. Hein? Pour ça que même c'est donc, ils font du'a pour le demandeur de science et pour l'homme de science. Et les vertus d'un savant sur un adorateur, c'est comme les vertus de la lune par rapport aux autres astres. La lune, il éclaire le monde entier. L'astre, il éclaire son périmètre ou lui-même. Les astres ne s'éclairent qu'eux-mêmes. Et les savants, ce sont les héritiers des prophètes alayhi sallatou salam. Et les prophètes alayhi sallatou salam n'ont pas laissé en héritage, n'ont laissé aucun sou en héritage. Mais ils ont laissé la science en héritage. Et celui qui prend la science, le prophète alayhi salatu wasalam, il a eu la plus grande part du bien. L'énorme part du bien. كذلك عليه رضي الله تعالى عنه وصيته لأهل القرآن. Et parmi ses conseils aussi, les conseils qu'il a fait aux gens de le Coran. Écoutez ce conseil. Et ces conseils doivent être notre leitmotiv pour nous pousser à apprendre le maximum de la parole d'Allah Azza wa Jal. Et à perfectionner notre lecture du Coran. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لحملة القرآن في صدورهم تعاهدوا هذه المصاحف وربما قال القرآن فلا هو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقله. Il dit رضي الله تعالى عنه on conseille à ceux qui ont mémorisé le Coran, qui ont le Coran dans leur poitrine, que l'Allah est comblé de ce bienfait. Il leur dit faites attention au Coran, révisez-le, car le Coran part facilement, plus facile que la chamelle que tu attaches ou là que tu oublies ne t'attache pas, il se sauve. La même chose le Coran, si tu ne le révises pas, tu ne le mets pas en application, tu ne le révises pas, ça part. Ça part. Et Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu akhada wasiyatahu hadi min kalam Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, il yaqulu fi ta'ahadu hadha al-Quran ay hafidhu ala qira'atihi wa wadhibu ala tilawatihi fa walladhi nafsu Muhammadin bi yadihi lahu ashadd tafallutan min al-ibli fi 'uquliha. D'où il a ramené ce conseil Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu? Il l'a ramené de la parole du prophète alayhi salatu wasalam qui a donné l'ordre à la communauté, dont le hadith rapporté par l'imam Muslim a dit faites attention au Coran, révisez-le. Préservez-vous, préservez sa lecture, lisez-le constamment, et soyez constant dans sa lecture, car par Allah, Azza wa Jal, le Coran se sépare de celui qui l'a mémorisé, comme s'éloigne, comme sort la chamelle ou le chameau de la corde qu'on lui a mise. Vite fait. Tu ne le révises pas, t'as regard. Des versets que tu ne révises pas quand tu reviens, tu as des difficultés pour les prononcer. Et tu vas chercher les mots, etc. Pourquoi ? Si tu ne révises pas, tu ne les lis pas. وقال صلى الله عليه وسلم إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. Rasoul صلى الله عليه وسلم, dans ce qui est rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim, dit que celui qui a mémorisé le Coran, c'est comme le chamelier. S'il attache ses chameaux, il va les trouver. S'il ne les attache pas, ils vont partir. La même chose. Pour celui qui a le Coran, s'il ne le révise pas, il ne le lit pas constamment dans ses prières surrogatoires, il ne se donne pas une part dans la journée pour consacrer au livre d'Allah, Azza wa Jal, ben il le perd, il l'oublie. Wa yaqul ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu li ahli al-Quran, yanbaghi li hamil al-Quran an yu'rafa bi laylihi idha an-nas niyam, idha an-nas na'imun, wa bi naharihi idha an-nas muftirun. وبحزنه إذا الناس يفرحون وببكائه إذا الناس يضحكون وبصمته إذا الناس يخوضون وبخشوعه إذا الناس يختالون وينبغي لحامل القرآن أن يكون باكيا محزونا حكيما حليما عليما سكينا وينبغي لحامل القرآن أن لا يكون جافيا ولا غافلا ولا سخابا ولا صياحا ولا حديدا. وهذا رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد وجاء كذلك في مصنف ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى. ابن مسعود dit aussi aux gens de القرآن il appartient, il incombe à ceux qui ont le Coran qu'ils se connaissent par leur nuit, et quand les gens ronflent, eux ils sont en prière, ils sont avec la parole d'Allah Azza wa Jal. et qu'ils se reconnaissent dans leur journée, quand les jeunes, les gens négligent le jeûne surrogatoire, eux, ils doivent être en état de jeûne. Hein? Ils doivent être reconnus par leur tristesse. Quand les gens sont réjouis des choses éphémères, etc., Huma, ils doivent être attristés. Ils doivent être reconnus aussi par leurs larmes quand les gens rigolent. Ils doivent être reconnus par le fait qu'ils se taisent alors que les gens parlent sur n'importe quoi et débattent sur n'importe quoi. Ils doivent être reconnus par leur concentration alors que les gens s'enorgueillent et font des gestes n'importe comment. Et il incombe à celui qui a le Coran d'être triste et de pleurer. Et il importe qu'il soit sage, qu'il soit doué de raison, qu'il soit savant et qu'il soit calme et quiet. Il lui incombe aussi qu'il ne soit pas dur, qu'il ne soit pas insensé, qu'il fasse attention aux situations, qu'il donne l'importance aux situations, qu'il ne se détourne pas des situations. Il lui importe de ne pas être parmi les gens qui crient, parmi les gens qui insultent, et ainsi de suite. Tout ça, ce sont les conseils. Hein? Abdullah ibn Mas'ud prodigue à ceux qui mémorisent le Coran. Parce que le Coran, c'est la base de la science, c'est l'origine de la science. C'est pour ça, Nubaz, rahmatullah alayhi, chaque fois qu'on lui demande c'est quoi un livre sur la science, sur l'aqidah, il dit le Coran. Tout le temps, il nous ramène le Coran. Parce qu'il est la base de tout. Et donc, la mémorisation du Coran et le respect du Coran veut de nous que nous agissions selon cet héritage de cette parole d'Allah, Zawajal, que nous avons dans notre poitrine. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه إن هذا القرآن مأذوبة الله فمن استطاع أن يتعلم منه شيئا فليفعل فإن أصفر البيوت من الخير أي فإن أكثر البيوت خلوا من الخير الذي ليس فيه من كتاب الله شيء وإن البيت الذي ليس فيه من كتاب الله شيء كخراب البيت الذي لا عامر له وإن الشيطان يخرج من البيت تسمع فيه سورة البقرة وقال إنما هذه القلوب أوعية فاشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره وهذا جاء في مصنف عبد الرزاق رحمة الله عليه ومصنف ابن أبي شيبة رحم الله الجميع وفي تهذيب حلية الأولياء ابن مسعود رضي الله تعالى نديق كل قرآن سلا طابل الله عز وجل celui qui peut l'apprendre qu'il l'apprend. Et celui qui peut prendre une part du Coran, qu'il le fasse. Car la majorité des maisons où laquelle il n'y a pas du bien, c'est la majorité des maisons où il n'y a pas le Coran. Il n'y a personne qui a une part du Coran dans son cœur. Et ces maisons-là sont comme les ruines. Qu'est-ce qui habite dans les ruines? Le venin, les serpents, les rats, les scorpions, hein, les rapaces. C'est ce qui habite dans les ruines. Hein? Et Shaitan sort d'une maison dans laquelle on entend Surat al-Baqara. Et il a dit ses cœurs, ce sont des réceptions. Remplissez-les avec le Coran. Et ne les remplissez pas avec autre chose. Remplissez-les avec le Coran. Nous devons maintenant nous regarder. C'est quoi la place que nous donnons à la parole d'Allah Azza wa Jal. Combien nous avons mémorisé de la parole d'Allah Azza wa Jal. Chacun de nous doit se poser la question. Depuis quand il se dit, il cherche, il est dans la voie de Sipuzayul. Combien il a appris? Quel effort il a fait pour maîtriser la langue de ce Coran qui est l'arabe? Nous devons nous poser la question. Il faut regarder la situation en face. Sans l'arabe, tu ne peux pas réciter le Coran comme il se doit. Il nous est demandé de mémoriser le Coran. Il ne faut pas que nos cœurs soient des ruines dans lesquelles il y a des vipères à cornes et des scorpions et des rats. Il faut que nous remplissions nos cœurs avec la parole d'Allah Azza wa Jal. Parce que s'il n'y a pas la parole d'Allah Azza wa Jal et l'authentique de la sunna du prophète dans nos cœurs, qu'est-ce qu'il va y avoir? Hein? Donc, les exhortes de nos puiseurs d'Allah ne doivent pas passer devant nous comme ça. ومن مواعظ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه التي ترقق القلوب، يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إنكم في ممر الليل والنهار في آجال منقوصة وأعمال محفوظة، والموت يأتي بغتة، فمن زرع خيرا يوشك أن يحصد رغبة، ومن زرع شرا يوشك أن يحصد ندامة، ولكل زارع مثل ما زرع، لا يسبق بطيء بحظه ولا يدرك حريص ما لا يقدر له، فمن أعطي خيرا فالله تعالى أعطاه، ومن وقي شرا فالله عز وجل وقاه، المتقون سادة والفقهاء قادة ومجالسهم زيادة. وهذا في الزهد للإمام أحمد. كنت سيد باولد عبد الله بن مسعود. C'est une leçon qui doit ramollir nos cœurs. Il doit faire frémir nos cœurs de peur. Il dit, vous êtes dans un passage de nuit et de jour, c'est-à-dire dans votre vie. Et dans ce passage, chaque jour qui passe, chaque nuit qui passe, il diminue de votre vie. Et vos actes sont préservés. Tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons, il y a les anges qui écrivent. Rien n'est épargné, rien n'est oublié. Rien n'échappe, tout est là. Et la mort arrive par surprise, tu ne le sais pas, tu as rendez-vous avec la mort, tu ne le sais pas. Celui qui cultive le bien, bientôt, il va semer le bien qu'il a récolté. Ce qu'il a, hein? Bientôt il va le semer. Celui qui sème le bien, bientôt il va le récolter. Il va récolter ses envies, ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a réservé. Et celui qui sème le mal, bientôt il va récolter le regret. Il va se mordre les doigts. Ya laytani, malheur à moi, si je n'avais pas agi ainsi. Mais trop tard. C'est maintenant, tant qu'on a la vie, qu'il faut remédier à tout ça. Et à tout cultivateur, ce qu'il a cultivé. Si c'est bien, c'est bien. Si c'est mal, c'est mal. Il va tout retrouver devant Allah, Azza wa Jalla. Et celui qui aura au vœu, qui a fait une œuvre, il ne va pas devancer celui qui va doucement. Et tout un chacun qui s'acharne à avoir des choses, il n'aura que ce que Allah subhanahu wa ta'ala a décrété pour lui. Et celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné du bien, ça c'est un bienfait min Allah azza wa jal, il le donne à qui il veut. Et celui qui a été préservé du mal, ça Allah subhanahu wa ta'ala préserve qui il veut. Il muttaqoun, ceux qui préservent les droits d'Allah azza wa jal, ce sont les nobles. Il fuqaha, les jurisconsultes, et ceux qui sont versés dans la science de la religion, ce sont les guides. Et leurs assises augmentent. Augmentent quoi? Augmentent la foi, augmentent la bonne œuvre à celui qui prend le sang, qui met en application ce qu'il entend d'eux. Hada, c'est une leçon à méditer. Wa yaqulu ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu wa ardah, man tatawala ta'azzuman khafadahu Allah, wa man tawadha'a takhashu'an rafa'ahu Allah. ومن راء في الدنيا راء الله به يوم القيامة. ابن مسعود de nous dire cette leçon. Qui est dans Hiliyat al-Awliya. Celui qui se met en avant par orgueil, par majesté, Allah subhanahu wa ta'ala, il le rabaisse. Celui qui prend le dessus devant les gens par orgueil, il s'impose à l'avant par orgueil, etc. Allah subhanahu wa ta'ala le rabaisse. Et celui qui est modeste par dévotion, Allah Azza wa Jal, et par concentration, Allah subhanahu wa ta'ala l'élève. Hein? Et celui qui fait de l'ostentation dans ce bas monde, Allah subhanahu wa ta'ala va divulguer sa situation le jour de la résurrection. Allah subhanahu wa ta'ala va divulguer la situation sur laquelle il était le jour de la résurrection. Ça, c'est une bonne leçon aussi à retenir dans Abdullah ibn Mas'ud. Tout ceci, kullu hada, min ayna ata bi Abdullah ibn Mas'ud, min kitabillah. Et Abdullah ibn Mas'ud de nous dire tout ce qu'il nous a cité et les conseils qu'il nous a donnés, il les tient directement du livre d'Allah et de l'authentique de la sunna du prophète. يقول إن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه إن في كتاب الله آيتين ما أصاب عبد ذنبا فقرأهما ثم استغفر الله إلا غفر الله له. وقال له غيون تسوك النفي رضي الله تعالى عنه وارضاه. De cette assise autour de Abdullah ibn Mas'ud. Il dit, il y a dans le livre d'Allah Azza wa Jal deux versets. Chaque fois qu'un serviteur tombe dans un péché, il l'est, il se repent à Allah Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala accepte de lui. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ. وقال تعالى وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. Donc, regarde cette orientation de la Saoud. Et cette clémence min Allah Azza wa Jal. Et ceux qui ont fait le blâmable et qui ont été injustes avec eux-mêmes et qui se rappellent d'Allah et qui se repentent de leurs péchés et qui pardonnent les péchés sinon Allah Azza wa Jal et qui ne s'entêtent pas à tomber dans le péché alors qu'ils le savent, ceux-là, leur récompense est le pardon d'Allah Azza wa Jal. Et dans l'autre verset dans Sourate Nisa, celui qui fait mal et qui commet une injuste vers lui-même et qui se repent à Allah Azza wa Jal et trouve Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonnera. Allah subhanahu wa ta'ala est clément. Allah subhanahu wa ta'ala le couvrira de sa clémence. Faya man ta'si Allah wa ya man taqa'u fil ma'asi fala yaghfiru ad-dunuba wal ma'asi illa Allah subhanahu wa ta'ala. Fansal Allah subhanahu wa ta'ala an tuba alayna wa iyyakum wa an yaqina sharra anfusina wa hududaha wa hawaha. Nous allons arrêter là avec Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu warḍah. Et tout à l'heure à 20h il y aura le cours avec notre frère Abdelmalek de Yanbou' hayda Allah ta'ala. Et nous on se retrouve demain après salat al-Asr et avec le frère Ammar après salat al-Maghrib et après salat al-Isha. Barakallahu fikoum wa ahsallahu alaykoum jazakoum.